Buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo en que juntos volamos por las músicas tradicionales, por las músicas del mundo y básicamente por donde nos da la gana viajar musicalmente y picotear músicas. Vamos a revivir una dolorosa quizás, pero tradición que nos viene de las encerronas del COVID. Es decir, voy a poneros un par de concierticos por si estáis ahí en vuestra casa, sin vacaciones, no podéis iros por ahí de festivales, como está haciendo todo el mundo, a tomar la fresca, pues os voy a poner un par de directos para que la gocéis un poco. Primero, doña Anuska Shankar, recordar, es la hija de Ravi Shankar, el sitarista este que grababa con George Harrison, que le enseñó a tocar el sitar. De las dos hijas, pues es la que ha seguido un poco la estela de su padre. Y tenemos un trabajo de este año en directo, grabada con la Metropole Orquesta, dirigida por George Buckley, que se llama Between Us, Entre Nosotros, donde hace temas pues de toda su trayectoria, que ya lleva 4 discos. Y bueno, sin más, ahí os lo dejamos. Para todos vosotros, Anuska Shankar. Thank you. Thank you. Thank you. Pues era Anuska Shankar y bueno, una invitación a que exploréis sus trabajos, que realmente son muy muy interesantes. Segunda que viene ahora en directo, pues La Momali. La Momali es ese trabajo que sacaron entre padre e hijo, Tumani Diabaté y Sidiki. Por ahí estaba también Fatoumata Diawara. Si tuvisteis la suerte de verla en la Plaza de San Bruno no hace tanto tiempo en Zaragoza, pues sabéis que es una intérprete tremenda. Por ahí está también Ibrahim Malouf, Osmo Puccino y otros colaboradores. Esto es la puesta en vivo del álbum del Amo Mali, se llama el Amo Mali Airlines, y bueno, pues creo que os lo pasaréis estupendamente. Ojo a las interpretaciones de Toumani con Siddiqui. Bueno, yo los oí aquí en Pirineo Sur, que es donde estoy ahora, en Sallent de Gállego, con una noche estrellada preciosa y uff, te ponían los pelos como escarpias. Me imagino que también por vuestros receptores lo harán. Y con esto nos despedimos hasta el martes que viene, donde volveremos con otro programa de Los Tres Cuervos. Así que ya sabéis, sed buenos o no, como os dé la gana. No os metéis en líos con los bichos, no os cogéis lo que no es vuestro, ya sabéis de qué hablo. Y sobre todo, volver a oírnos aquí en Radio Topo en el 101.8 de vuestro dial FM. Adiosito. De Rémi Galichet, s'il vous plaît. Siddiqui Diabaté et le grand Toumani Diabaté. Muntaga diabate. Chaque fois quelque chose est si vrai. Fatou Mata Diawara. Plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise. Te voir danser m'électrise. Peut-être même que ça m'érotise. Que j'idéalise. Malice au Mali des merveilles. Le Mali Dieu crée à la flamme. Le Mali danse dans mon âme. On y soit qui m'en y pense. Qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse. Au son des vols. On plane à Bamako, en bateau, c'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite. Reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément. Vire le qu'on le fasse légalement. Si t'y penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire son morosité, tout sous cachini, dans l'ancité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère. Béni soit qui mal y pense. Qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse. Au son des pas. Thank you. couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse au son des balles de Bamako. Stop the feel some more to feel. Assalamu alaikum. Bienvenue à bord de la Momali Airlines. Thank you. mani morile morile le mani fui ay dara pa mala canivale ni mori ke ba te conora felite ni mori ke ba ne sirani ala nge na di fem fem fo ala bina wole ke Oh, oh, oh, oh, oh. va. Goya in a vaso, but in no African vaso. Go come out in a big asila, but in a nickel, but in a do it, come back to it. Singia, singia, do it, Mali by. Entre les mots, les plumes. t'attends la panne. Mais comment t'attends? Mais comment t'attends? On te sent seul. Toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel? Pour nous lier jusqu'au ciel. Ah oui, je... Si remonte mon trouble en dommage. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'attends? Mais comment t'attends? On s'en suit. Toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel? Pour nous lier jusqu'au ciel. Mais comment t'attends, on s'en suit. Toi qui me donnes des ailes. Oh, comment t'attends, on sensuel, toi qui me donnes des ailes. Fatoumata, viens voir. Sur le gauche, la douleur. Pouvoir parler à un ange en douceur. Lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur. L'espoir de voir enfin un jour. C'est ça. Lentement quitte les trônes en douceur. Alors reviens. sa conscience, sa douleur. Au fond de lui sent cette peur immense de voir mourir ce sentiment. Dans un système solaire, une chose mystérieuse, mais c'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse, mais ce soir, regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Ah, la belle étoile. Quelques étoiles filantes. Et toi, la bonne étoile, autour de toute figurante. Visible à l'œil nu, si on veut, il fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. Oh, oh, j'étais des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais y croire. Sans idée, sans désir qui monte en moi. Ah, la belle étoile. Quelques étoiles filantes. Toi, la belle étoile, autour de toutes ces figurantes. Toi, la belle étoile. Thank you. appris l'amour, elle m'a appris les pleurs. C'était si naturel, j'étais tellement pelé, elle était tellement belle, j'aimais la renifler. Alors je ferme les yeux pour reprendre des couleurs, mais l'orange m'émeut et le noir me fait peur. La tristesse m'assassine, c'est la mort qui m'effleure, mais j'ai perdu cet insigne. Capucine, la fleur. Chantez tous ensemble plus fort. Manitou, Manitou. c'est tout, tout ça pour toi, toi pour moi, moi pour toi, tout pour la joie, à vous. Un point c'est tout, tout ça pour toi, toi pour moi, moi pour toi, tout pour la joie. Par l'univers planète, univers à toute bride, par l'univers bourdon, dans chaque cellule du corps, par les mots qui s'engendrent, par cette parole étranglée, par l'avant-scène du présent, par vent d'éternité, ensemble. Un point c'est tout, tout ça pour toi, toi pour moi, moi pour toi, tout pour la joie. Un point c'est tout, tout ça pour toi, toi pour moi, moi pour toi, tout pour la joie. Par cette naissance qui nous décerne le monde, par cette mort qui l'escamote, par cette vie plus bruissante que tout, que tout l'imaginaire. Un point c'est tout, tout ça pour toi, toi pour moi, moi pour toi, tout pour la joie. Un point c'est tout, tout ça pour toi, toi pour moi, moi pour toi, tout pour la joie. Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger, Toumani. Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. Louis. Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. Fatoumata. Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. Neve et de faire, il faut n'avoir né de faire. Anda na nyonga. Neve e de fe, ivana ve ne de fe. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tout ça pour toi, toi pour moi, moi pour toi, tout pour la joie. Un point c'est tout, tout ça pour toi, toi pour moi, moi pour toi, tout pour la joie.